Voilà, Samuel qui va venir nous parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Merci, merci Adèle. Là, vous m'entendez là? Ça va? Ouais. Ok. Alors. Oui, donc je voudrais vous parler un petit peu de cette fameuse ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Où j'étais ce week-end en fait, à l'occasion du vote du référendum et aussi à l'occasion d'un week-end de chantier qu'ils organisaient samedi-dimanche. Donc il y avait une quinzaine de chantiers en fait de travaux dans différents espaces de la ZAD. Et pour moi c'était la première fois que j'y allais et j'en avais beaucoup entendu parler, j'avais beaucoup lu dessus et j'étais très curieux de me confronter au terrain pour voir comment ça se passait, comment les gens s'organisaient collectivement. Donc je voudrais vous parler surtout en fait des modes d'organisation concrètes de la vie quotidienne sur la ZAD et à travers ça de voir comment on peut développer des formes de vie collective, autonome dans la durée et passer de l'utopie à la réalité. Vous verrez, il y a plein de liens à faire aussi avec les Nuits Debout ici et ailleurs, hein. Sauf que, et plein de différences aussi, à commencer par le fait que ici, par exemple, on n'occupe pas en permanence la place. Et alors, juste quelques mots peut-être d'historique. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de cette ZAD, parce que en fait, on soupçonne pas que ça fait depuis aussi longtemps que ça existe. Le projet de l'aéroport du dit Grand Ouest, c'est voilà 1963. Donc ça fait 53 ans que ça dure. Les opposants au projet ont commencé à se structurer dans les années 70. Donc il y a eu les premiers collectifs qui se sont structurés et le projet s'est plus ou moins enlisé au cours des années 70-80 et il a réémergé avec force, notamment quand Jean-Marc Ayrault a pris la tête d'abord du conseil régional et ensuite de la mairie de Nantes en 89 et dont il a été maire jusqu'à 2012, jusqu'à qu'il devienne Premier ministre. Et évidemment, lui était un fervent partisan de l'aéroport. Il a beaucoup poussé pour faire renaître le projet. Alors, la ZAD, elle a toujours été occupée dans le sens où il y a toujours eu des paysans ou des agriculteurs hein, dans le coin, sur le terrain, qui y vivent. Mais les ZADistes ont fait leur apparition en 2008-2009. Ils ont été ils étaient une centaine à peu près, ils sont restés jusqu'en 2012 où il y a eu c'était une année un peu charnière parce qu'il y a eu une grande opération qui s'appelle l'opération César de la police qui les a délogés. C'était des manifestations à l'automne 2012 des affrontements très violents. Tellement violent que même s'ils ont été expulsés et que les habitations ont été détruites, les cabanes, les logements qu'ils avaient été construits ont été détruits, Jean-Marc Ayrault et le préfet, etc., ont dû décider la fin des hostilités provisoires parce que ça devenait trop violent, trop dangereux pour les forces de l'ordre aussi, pas seulement pour les occupants. Et donc, après 2012, il y a eu un bouclage de la ZAD pendant 3 mois, 24 heures sur 24, par des policiers. Et il y a eu une réoccupation à partir du 17 novembre 2012 et qui s'est continuée depuis, en 2013 et jusqu'à aujourd'hui. Avec il y a eu différents événements symboliques marquants comme une chaîne humaine par exemple en 2013 tout autour de la ZAD. Donc c'est quand même 25 kilomètres, donc il fallait du monde, hein. Donc il y avait plus de 20 000 personnes qui se sont mis tout autour pour faire la chaîne humaine. Il y a eu pas mal de manifestations à Nantes et dans les environs. Il y a eu des grands rassemblements festifs aussi, des grands week-ends qui mélangeaient militantisme et fêtes et construction, comme ces chantiers dont je vous parlais au début de ce week-end. Et puis maintenant, l'actualité, vous la connaissez, hein, 2016. En février, Hollande décide que finalement il y aura un référendum. D'ailleurs, c'est pas du tout par hasard que cette décision a été prise en février 2007. Ça coïncide avec le retour d'une part des Verts au gouvernement, qui sont plutôt opposés au projet, hein, mais pas tant, enfin, de manière nuancée. Et d'autre part, du retour de Jean-Marc Ayrault aussi au gouvernement, au poste de ministre des Affaires étrangères. Donc, février 2016, décision de faire ce référendum, mais dans un périmètre restreint. Ouais. Il est anticonstitutionnel, ouais. Pourquoi ? Dites si tu veux nous dire... Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des réactions. Excusez-moi, je voulais pas prendre la parole, mais non, c'est ultra important, c'est ultra important de le préciser. Notre preuve de droit constitutionnel en télé, elle était là, non, mais il va pas passer, parce que vraiment, on était en totale dérive totalitaire, elle était là en mode, vous, parce que, ouais, j'ai fait un tout petit peu de droit, mais voilà. Elle était là, non, mais en mode, rassurez-vous, les enfants, ça va pas passer, parce que c'est pas constitutionnel de faire un référendum pour Notre-Dame-des-Landes, etc. Finalement, Sébastien, c'est bien baisé. C'est qui a dit ça, pardon? Ma prof de loi constitutionnelle. Enfin, je veux dire, ça, c'est extrêmement grave parce que dire que quelque chose est antidémocratique, comme le 49-3, etc., c'est encore discutable parce qu'il y a des universitaires qui ont dit non, c'était démocratique. Donc, ça reste dans le débat. Par contre, on a une constitution et quelque chose qui soit anticonstitutionnel, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement grave, là. Merci. Oui, alors, je sais pas, je suis pas du tout un juriste, donc je pense qu'une des raisons, c'est que, en fait, on peut faire, généralement, référendum, c'est au niveau national, hein, et sinon, ça s'appelle autrement, d'ailleurs, celui-là s'appelle pas officiellement un référendum, ça s'appelle une consultation, hein, donc ça n'engage pas le gouvernement, parce que c'est pas, ça a été défini à un périmètre, vous savez, départemental, ce qui est inédit en France, et donc on a dû faire une sorte de subterfuge, de faire passer ça pour une raison écologique, hein, une consultation à titre écologique, parce qu'il y a des sites sensibles, classés, hein, comme les zones du bocage nantais où se trouve la ZAD, et il y a aussi des usines, notamment de retraitement des eaux, enfin des usines un peu sensibles, donc voilà, qui seraient impactées par la construction de l'aéroport. Donc, en tout cas, référendum départemental dont vous connaissez les résultats. Dimanche soir, on les a appris. 55,1% de oui, 44,8% de non, et une participation de 51%. Bon, on peut le voir toujours d'une manière ou d'une autre, majoritaire, mais enfin tout juste. Hein. D'autre part, les résultats sont bien moins importants que ceux qui étaient prévus. Évidemment, hein, le choix du périmètre a été fait exprès pour le vote que le vote oui pour l'aéroport gagne, et c'est ce qui s'est produit, mais pas de façon massive. Et c'est intéressant de voir qu'à Nantes, par exemple, c'est vraiment 50-50. Hein. Nantes, qui est la ville peut-être avec les communes de Notre-Dame-des-Landes, etc., qui est la ville la plus concernée directement. Alors, peut-être quelques mots maintenant sur le projet même d'une ZAD, hein, qui veut dire deux choses en fait. ZAD à la base, ça veut dire zone d'aménagement différé. C'est un truc juridique qui existe depuis les années 60, qui permet à l'État de préempter des terrains pour ensuite faire des constructions, qu'il a envie. Et donc il a une sorte de priorité en tant qu'État, hein, pour préempter un terrain à ses habitants, ses occupants, et ensuite les exproprier. Mais ça a été renommé, comme vous le savez, en zone à défendre. Et il y en a pas seulement maintenant à Notre-Dame-des-Landes, mais dans différents endroits dans le monde et en France. Et une des inspirations de ces zones à défendre, c'est les TAS, les zones d'autonomie temporaire, Temporary Autonomous Zone. Donc ça, c'est une idée qui a été conceptualisée par un certain Hakim Bey dans un livre qui s'appelle TAS, justement, qui est sorti en 1991, qui est un bouquin très intéressant que je vous conseille d'aller voir. Il est en libre accès sur le net, il a été traduit en français. Et en fait, dans cette idée de TAS, zone d'autonomie temporaire, Hakim Bey partait de l'imaginaire des pirates, et notamment des îles pirates qui ont existé au cours de l'histoire. Et il se demandait s'il serait possible de recréer ces sortes d'enclaves de liberté dans le monde actuel. Hein. Et il observait qu'il en existait déjà. Hein, et c'était vachement précurseur aussi, parce que c'était en 91, et il y avait toute une réflexion sur la mise en réseau de ces zones, et notamment sur ce qu'il l'appeler le web et le net, c'est dans le texte, hein. Et c'est quand même assez incroyable parce que lui, il pensait plus à des moyens de communication, tout sauf Internet, mais enfin, évidemment, ça en fait partie et ça y joue beaucoup dans ces luttes-là. Ça compte beaucoup, l'Internet. Donc voilà, il s'agissait de mettre en place dans les tasses des sortes d'utopies concrètes, d'espaces concrets d'utopie où on peut expérimenter des formes de vie collectives différentes. En ce qui concerne la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc j'en ai déjà dit quelques mots, hein, il s'agit de créer un aéroport Grand Ouest, qui aurait, je vais pas faire la liste des avantages, des inconvénients, surtout que vous avez déjà dû les avoir beaucoup dans la presse ces derniers temps, mais en gros, il s'agirait de créer un point entre Nantes et Saint-Nazaire, une sorte de vaste conurbation entre Nantes et Saint-Nazaire pour densifier le paysage, créer plus de commerce, plus d'échanges, plus de réseaux. Donc ça implique non seulement un nouvel aéroport, mais aussi des nouvelles infrastructures de transport et notamment une nouvelle autoroute, hein, qui relierait les deux autoroutes préexistantes. Et puis ça implique aussi donc la disparition de cette grande zone de 1650 hectares que forme la ZAD avec ses champs, avec ses fermes, ses agriculteurs et ses zadistes. Donc maintenant je vous parle un petit peu des modes de vie. Des modes de vie sur la ZAD et de ce qui m'a le plus peut-être marqué, surpris. Il y avait des choses auxquelles je m'attendais, il y avait beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas non plus, donc c'est ça dont je voudrais vous parler maintenant. Donc en gros, il s'agit de réinventer une vie communautaire, et c'est un peu comme ici, vous savez, on a parlé de la lutte contre la loi travail et son monde, et ben c'est la même chose là-bas. C'est la lutte, certes, contre un aéroport, mais et son monde, hein, et tout ce qu'il implique. Par exemple, lutter. Qu'est-ce que ça veut dire de lutter contre un groupe de BTP comme Vinci, hein, qui serait l'agent qui construirait le nouvel aéroport? Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de l'État? Qu'est-ce que ça veut dire surtout d'habiter en fait ce terrain? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'occuper, mais il s'agit de s'ancrer dans la durée, et c'est ce qu'ils font, hein, depuis 2008. Et heureux depuis 2012, après l'opération César. Et donc, concrètement, dès qu'on habite au quotidien, ça a un impact énorme, hein. Et donc, il s'agit de voir comment on peut se réapproprier des façons de vivre et de devenir le plus autonome possible sur ce plan. D'abord, on pourrait partir de la question de l'habitat, justement. Comment est-ce qu'ils habitent? Alors, peut-être vous avez des questions, parce que moi je peux vous dire mon expérience, mais ouais. Non, ça serait, je ne sais pas si tu l'as dit, mais est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de personnes qui vivent au quotidien sur cette zone? Bonne question. Alors, une centaine à peu près. Donc c'est pas beaucoup. Il y en a eu plus par le passé. Il y a eu une petite diminution ces derniers temps. Par contre, ceux qui sont là sont souvent là depuis un certain temps. Il y a des gens qui arrivent, hein, tous les mois, mais il y en a qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, dans les gens que j'ai rencontrés. Voilà. Et en plus, il y a une trentaine d'exploitations paysannes, enfin agricoles, pardon, qui font de l'élevage ou de la culture agricole. Voilà. Ouais. Salut. Juste une question. Maintenant qu'on est face en fait à ce référendum, on peut en effet se poser la question sur la légitimité démocratique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La ZAD elle va disparaître, ils vont mettre tous les moyens, donc le projet qui était là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'était un magnifique projet. Et maintenant, il faut, à mon sens, poser la question comment autour de cela transformer ce modèle dans un modèle en fait durable, mais ailleurs, parce qu'il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir et je crains ça. Donc voilà, c'était ça ce que je voulais te demander. Alors, merci pour ta question. Bon, t'anticipes un peu. Moi, je voulais en parler à la fin de l'avenir, mais bien sûr, on peut en parler maintenant. L'avenir. Déjà, je dirais que c'est loin d'être la première fois que la ZAD est sous menace, et même une menace aussi grave, hein. En fait, ils vivent tout le temps sous un état de menace, d'expulsion, qui est très concret quand même. Hein. Et même depuis 2012, il y en a eu plusieurs fois. Hein. Il y a des huissiers qui sont venus, il y a eu des gens qui se sont fait exproprier, etc. Des fois, la menace est plus latente. Hein, elle plane comme ça. Des fois, elle se précise, comme là, en ce moment. En 2012, pareil, elle s'est reprécisée très fortement. Et ça a suscité un énorme regain de mobilisation. Non seulement de la région, mais de toute la France et même d'Europe, enfin des gens qui sont venus pour soutenir les zadistes, et ça a permis la réoccupation. Donc, bon, je ne sais pas si ça pourrait se repasser aujourd'hui, mais bah, bon, enfin, moi je prends pas parti, c'est pas la question, mais disons que les zadistes sont pas fatalistes, ils sont pas non plus du tout idéalistes parce que ils savent, ils ont vécu, mais ils sont pas fatalistes. Voilà. Et donc en plus ils s'attendaient à la victoire du oui, hein, au référendum. Ils ont commencé à s'y préparer mentalement et de manière de s'organiser. Donc bon, bien sûr, concrètement, s'il y a un affrontement avec des milliers de CRS, bah on sait qui va gagner. Faut voir comment ça se passe. Est-ce qu'il peut y avoir des grèves de la faim, comme il y a déjà eu, il peut y avoir, vous voyez, des choses comme ça qui durcissent le rapport de force. Mais après, sur la longue durée, c'est encore ouvert, parce que il pourra bien y avoir des milliers de CRS qui défendent le chantier de Vinci pendant des années, vous voyez, enfin ça va être compliqué. Donc il faudra quand même certains compromis aussi de l'État. Ouais. Sur un petit point, en fait, on voit qu'il y a une petite, quelquefois des zadistes qui doutent un petit peu, etc. Faut jamais faire ça, faut jamais douter, parce que rien que le fait de ce qu'on est en train de faire, d'être sur la place et tout, c'est d'être en discussion, quoi. C'est juste génial. Il y a un échange d'idées, enfin c'est ce qui est vraiment le principal. Donc voilà sur ce point. Ah oui, et ensuite une autre petite précision, parce que j'ai fini du droit. Finalement, j'abandonne en fait le droit, c'est chiant. Et donc du coup, en fait, sur le point du référendum, parce qu'on parle beaucoup du 49-3, mais le référendum, enfin c'est, je trouve, c'est encore plus pervers, parce que le référendum, on réussit à faire croire aux gens que c'est bien. Et en fait, pour Notre-Dame-des-Landes, ils ont réussi à faire en sorte que des gens qui soient vraiment pas concernés en fait par le Notre-Dame-des-Landes, s'il y a des gens vraiment vraiment éloignés, votent pour. Et donc du coup, bien sûr, ça leur apporte une croissance économique. Donc ils ont voté pour. Donc voilà, faut pas oublier que le référendum, dans la façon dont c'est fait, la procédure, la façon de comment c'est formulé, ça peut être extrêmement pervers. Donc voilà, merci. Oui, vous voulez intervenir ? La question, pourquoi l'État ne veut pas reculer? Pourquoi l'État ne veut pas reculer de sa décision? Est-ce que vous connaissez les causes? Parce que les terrains sont vendus, il y a des travaux qui sont faits intellectuellement, les gens sont payés, ils se sont engagés. Et maintenant, pour reculer, il faut rendre l'argent aux gens qui ont travaillé sur le projet. C'est pour ça que c'est très difficile. Deuxièmement, apparemment, le projet de l'aéroport, il n'est pas financièrement viable. À long terme, ce n'est pas financièrement viable. Malheureusement, oui, c'est ça le problème. J'ai eu l'explication. Maintenant, vous défendez qui? Je ne sais pas. Mais voilà. La vérité est là. Merci. Pourquoi? Bah attendez, partez pas. Attendez, qu'on discute. Alors, donc moi je suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là. Il y a beaucoup de débats. Il y a eu différents groupes parlementaires, blablabla, qui se sont réunis, d'experts soi-disant, qui ont étudié les avantages et les inconvénients économiques. Ce qui est sûr, c'est que pour l'État, il y a du lobbying économique énorme. Il y a aussi sans doute une question politique, hein, du fait que maintenant l'EPS, enfin on l'a surnommé l'aéroport, hein, se soit autant investi là-dedans, ce serait un désaveu énorme de laisser tomber le projet aujourd'hui, pour eux, politiquement. Au niveau des retombées économiques, elles sont effectivement, je crois, discutées. Hein. Au niveau de la nécessité économique et logistique de faire un aéroport, un nouvel aéroport, au lieu d'agrandir le précédent, c'est discuté aussi. Voilà, moi je peux pas trancher là-dessus. Personne ne. Enfin, et c'est dire, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Je voulais plus vous parler des modes de vie quotidiens sur la ZAD en fait. Mais c'est des questions. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est discutable et en plein débat. Et qu'il n'y a pas clairement de consensus là-dessus. Hein. Juste, alors, un petit truc hein, qui est en fait une comparaison un peu fausse, hein, qui fausse les choses, mais qui quand même est assez marrante. L'aéroport de Nantes actuel, c'est 4 millions de passagers par an. Et donc on voudrait l'agrandir. L'aéroport de San Diego, aux États-Unis, qui a deux pistes, qui a la même superficie, c'est 25 millions de passagers par an. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas dans le même territoire. Là, il y a Nantes juste à côté et les avions qui passent un peu au-dessus de la ville, mais ça donne quand même un ordre d'idée. Et dans le sens de la mondialisation. Et que c'est plus facile pour les commerçants, les gros commerçants, d'avoir un aéroport sous le bras, au lieu de contourner, aller jusqu'ici, puis voilà, distribuer la marchandise ou prendre la marchandise. Là, c'est plus direct. Donc, tout est lié avec l'argent et ils regardent que leur côté. Les gens sont là pour servir. Du coup, moi, j'aurais aimé avoir des informations sur l'autonomie de la ZAD. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Comment ça marche? Voilà. Une autre question? Ouais. Pour prolonger, est-ce qu'il y a une autosuffisance? Parce que tu parlais justement d'exploitation, etc. Alors ouais, donc l'autonomie, l'autosuffisance, bah alors déjà ça passe par les lieux d'habitat en fait. Il y a de l'habitat en dur, mais il y a des habitats plus ou moins précaires ou plus ou moins durables, et en fonction ça impacte évidemment l'autonomie, parce que par exemple pour avoir l'électricité ou pour avoir l'eau courante, il faut s'installer quand même de manière relativement durable, hein, des maisons. Ou alors des cabanes, mais des cabanes suffisamment solides. Sinon, c'est même pas qu'on peut pas le faire, c'est que ça vaut pas le coup, parce que si ça tient 3 mois, c'est quand même des travaux et des voilà. Alors justement par rapport à l'eau et à l'électricité, il y a des habitations qui en ont, d'autres qui n'en ont pas. Je dirais, bon, j'ai pas fait assez de tours pour faire le tour, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas, hein, qui n'ont ni électricité ni eau courante. Ce qui déjà change tout votre vie et ce qui vous ramène à un rapport à l'écologie quotidienne très très simple, hein. Enfin vous comme tous les gens par la planète qui n'ont pas d'eau courante ou d'électricité, et donc voilà, c'est pas qu'on pense à faire des économies, c'est qu'on pense à économiser ses efforts pour aller en chercher ou pour recharger ses batteries, etc. Il y a aussi des raccordements sauvages sur les réseaux d'électricité ou d'eau, donc ça ils sont assez forts là-dessus, donc il y en a qui le font, il y en a qui pourraient le faire mais qui choisissent de pas le faire aussi. Enfin il y a voilà, y a tout un panel d'activités, de niveau d'équipement et de niveau de confort très variable. Au sans nom, qui est un champ avec plusieurs habitations autour, donc vous avez une grande maison, vous avez une yourte très chouette sur pilotis avec des panneaux en métal, et vous avez une ferme plus classique. Bah là-bas par exemple ils ont construit une éolienne, ils l'ont vraiment construit, c'est-à-dire ils ont acheté les pièces détachées et ils l'ont monté eux-mêmes. Et ça leur apporte 700 watts par jour, donc une relative autosuffisance énergétique, pas totale mais relative. Voilà. Alors, tu pensais peut-être aussi à l'agriculture, voilà, hein, se nourrir. Ils cherchent pas l'autosuffisance totale, ils cherchent plutôt la plus grande autonomie possible. Il y a des productions qui sont, il y a beaucoup de cultures maraîchères par exemple, hein, donc dans des champs fruits et légumes. Il y a de l'élevage aussi, et il y a de l'élevage aussi pour la viande. Donc, faut pas croire que c'est que des, par exemple, des végétariens. Hein, il y a de tout. Il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande. Ils produisent des fromages, ils produisent du lait. Toutes les semaines, ils ont ce qu'ils appellent le non-marché. Donc, une fois par semaine, à la Wardine, qui est un lieu de rassemblement sur la ZAD, eh bien, chacun, chaque personne ou chaque petite mini communauté dans la communauté apporte les produits qu'il veut, qu'il a en trop, et c'est vente à prix libre. Ceux qui n'ont pas d'argent peuvent les prendre gratuitement, et il y a aussi du troc. Donc il y a les trois formes d'échange classiques. Enfin voilà. Oui. Enfin, c'est juste dans le même thème, en fait, c'était pour avoir un peu d'informations sur l'organisation, comment ils s'organisent, enfin, est-ce qu'il y a une organisation, est-ce qu'ils se regroupent ou est-ce que c'est chacun un peu autant, enfin voilà, c'est pour savoir si t'as des infos là-dessus. Alors ouais, ça c'est très important. En fait, c'est comment on cohabite ensemble, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'habiter, c'est déjà pas facile hein, de survivre, d'avoir un toit, de se protéger de la pluie et de manger, mais il s'agit de cohabiter ensemble sur des semaines, des mois, des années, et en sachant que tout est libre, c'est-à-dire il n'y a pas de vote pour de la communauté, d'une assemblée qui se réunirait pour accepter quelqu'un qui arrive pour dire ah oui bah viens t'installer, on te donne cette parcelle ou ce terrain. Chacun vient à peu près comme il veut et se fait sa place, se fait son nid. Alors souvent on débarque pas comme ça du jour au lendemain pour 3 ans, hein, on vient une première fois, on découvre, on voit si ça pourrait nous plaire et si on pourrait, et on revient et puis on se fait des contacts et ça se fait comme ça. Et pareil pour le lieu où on s'installe, hein, on s'installe en général à côté de quelqu'un avec qui on a fait connaissance, mais parce que, voilà. Alors, de même qu'ils ne cherchent pas l'autarcie, ils ne cherchent pas à être coupés du monde, pas du tout, et ils ne renoncent pas à l'argent, par exemple, dans le sens où, quand il le faut vraiment, eh ben, ils cherchent à lever des fonds, par exemple, en faisant ces week-ends où on peut faire des donations pour acheter des choses qui ne peuvent pas être produites sur la ZAD. Eh ben, de même, ils ne renoncent pas à toute forme d'organisation pour être dans une pure autonomie maximale. Il y a des assemblées générales, mais elles ne sont pas toujours décisionnelles. Des fois elles le sont, des fois elles le sont pas. Et des fois il y a, alors de ce que j'ai cru comprendre, des fois il y a des décisions qui sont prises et qui finalement vont pas être appliquées parce que il y a pas eu un consensus suffisant, il y avait pas de gens suffisants, il y avait pas assez de gens à l'AG, enfin vous voyez, c'est comme pour nous quoi, hein, c'est comme pour partout, enfin on peut faire vraiment beaucoup de parallèles avec Nuit Debout. Ouais, question. Oui, c'est une question, c'est une proposition, mais la proposition, je la fais seulement si tu veux. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et la situation me semble que presque inextricable, parce que la majorité qu'ils ont eue n'est pas assez large, et elle est discutable. On ne peut pas rester dans cette position-là. Et donc, j'imagine peut-être qu'il faut résoudre le problème autrement. Alors, est-ce qu'il te semble possible que ça vaut la peine de réexaminer, pas seulement les résultats, mais la situation sur le terrain, et voir si sur le terrain, il y a une petite partie des solutions, même si ce n'est pas une grande solution, c'est une solution meilleure que rien du tout. Alors, je fais un exemple. À Roissy, les problèmes entre les avions et les oiseaux. Ça n'a pas empêché aux oiseaux de s'installer à Roissy et créer un problème pour les avions. C'est un fait, il faut reconnaître. Moi j'ai vu qu'à Montparnasse, dans la nouvelle terminale du chemin de fer, des TGV, il y a à l'intérieur des couloirs et tout, des monos qui sont très bien installés, sans aucun problème. Et à Roissy, vous avez des lapins qui sont mis à deux des chasseurs. C'est vraiment infesté des lapins. Donc ça veut dire qu'on peut quand même convivre. Et ça c'est peut-être la solution de l'avenir. Mais ça devrait obliger les autres à mitiger les exigences. On voit que l'aviation se dirige, on l'espère, vers une aviation moins néfaste. Et les agriculteurs peut-être, ils peuvent aussi obtenir une parcelle de béton, une parcelle de répit, en proposant que selon le pourcentage du résultat du référendum, une partie du terrain soit partagée, une pour l'avion, pour